Je ne sais pas où tu vas. T'es parti au ciel et moi je sais pas où c'est. T'es parti au ciel, ya ya. Je ne sais pas.